Salut, salut, salut, comme tous les dimanches soirs, Lost in Space sur Radioactive 100 FM. Votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées qui attaquent immédiatement avec Toxic TV. We'll be right back. C'était Bikini George à l'instant sur Radioactive 100 FM, Lost in Space. C'est l'heure du live maintenant. Un live un peu plus petit que d'habitude, mais c'est la fin de l'album Live Age des Descendants que je vous avais déjà passé il y a quelques temps. Et Descendants, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est peut-être, je dirais, le meilleur ou l'un des top 10 des groupes de rock de tous les temps. Absolument méconnu, bien évidemment. Mais ça, c'est pas très grave parce qu'on va se rattraper en écoutant quelques morceaux live. Allez, go! I want to be stereotyped. I want to be classified. Hey, good. you gonna do when I see the light? C'est sur ce Pervert des Descendants que s'achève le live ce soir. Vous êtes donc toujours sur Lost in Space, radioactif, 100 FM, comme tous les dimanches soirs, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse froid, qu'il fasse beau, qu'il fasse soleil, et que la droite soit au pouvoir ou pas, rien n'y change. C'est votre rendez-vous rock'n'roll. Et maintenant, une petite séquence un peu plus littéraire, donc des morceaux entrecoupés d'extraits du bouquin Saturne, magnifique roman polar de Serge Quadrupani, peut-être là aussi un des meilleurs auteurs français du genre. Vous en aurez donc quelques petits extraits qui vont parsemer la bande-son que nous allons avoir ensemble et qui commence immédiatement avec Beat Happening. We'll be right back. Monsieur Todos, votre hedge fund a réussi à enrichir fabuleusement ses clients et ses gestionnaires avec la crise des subprimes. Comment avez-vous fait ? En anticipant de longue date cette crise et en prenant des positions à la baisse dont les contreparties ont été les grandes banques d'affaires de Wall Street qui ont laissé leurs culottes. Ces idiots auxquels les parents ont payé la prépa, Yale et le MBA de Harvard étaient bons à plumer. Ces gens qui étaient la plupart du temps indignes de l'éducation qu'ils ont supposément reçue se sont élevés jusqu'au sommet des affaires bancaires et politiques. Tout cela n'a abouti qu'à rendre pour moi plus facile de trouver des gens assez bêtes pour se trouver en face de mes transactions. Dieu bénisse l'Amérique. Oh. Il va fort, le boss, songe le maître de Céan en s'essuyant le front. Mais c'est l'époque qui veut ça. On commence à prendre conscience du contenu réel de nos activités, et peut-être n'est-il pas mauvais d'anticiper le mouvement. Puis il fronce le sourcil. Il vient de penser à un aspect de ses propres activités. Il baisse le journal et détourne la tête vers un écran d'ordinateur en se disant que cela fait longtemps qu'il aurait dû faire disparaître une certaine prose en ligne. Il y songe depuis des mois et, inexplicablement, repousse toujours le moment de le faire. Il se dit que ce n'est peut-être pas si inexplicable après tout, mais qu'il ne se croyait pas si sentimental, il va enfin se décider à effacer ces mots qui sentent le passé. Il va pour s'arracher à l'antique fauteuil à oreillettes quand son mouvement se fige. Son regard s'est posé sur la fenêtre voisine et il a croisé sous de longs cils pensifs le regard d'un chevreuil. Take it to the baby. bête le fixe à travers la vitre. Est-ce la chaleur inhabituelle qui l'a poussé à s'approcher si près? En quête d'eau peut-être, ou alors elle l'a tant étourdi qu'il erre l'animal? Le long museau si fin est immobile, les oreilles dressées ont un frémissement infime et continu. L'homme et la bête se fixent. Lui se sent comme penché sur une douve dont les eaux noires l'appellent, elle. Une grosse goutte d'eau explose sur la vitre. L'homme sursaute, le chevreuil n'est plus là. Roulement des tambours célestes, fanfare de l'averse, l'homme s'ébroue, laisse glisser le journal à terre et se lève pour prendre son Blackberry, appeler son chauffeur, lui annoncer qu'on rentre à Paris. Il a oublié ce qu'il voulait effacer de ses activités, car d'autres activités l'appellent. That was the America that we thought was number one, that would ever come, that would never die. That was just a part of faith. Too better than these sins. I know faith isn't one of them, but I should have been. Cause when things are crumbling, we had no camaraderie. Just the face of what they were so despondent. We call it America. Whoa. We call it America. Whoa. Number one America was the slogan used to keep morale when we knew we were already broke. Then the better was the states. Seated in secession and they used their ones followed right behind. Mexican America was a perfect name that obeyed our Mazi orders, significance, authority, and affluence. We had turned it all around, went from number one straight to number two. We called it America. Whoa. We called it America. Whoa. The drama of my consciousness is that having lost the world, I try to recover myself. But in this moment, I am lost. It's always blood, fear, politics, and money. I don't know how to stop vomiting since I've been working in August. Complète de l'appareil une seconde avant l'extinction du signal lumineux, Frédéric fut debout avant tout le monde, son mètre 78 courbé sous les coffres à bagages et déjeté vers la droite, suivant la ligne de la paroi au-dessus du hublot. Elle n'en pouvait plus de ces sièges low cost où l'on ne peut ni lire, ni dormir, ni rien faire d'autre qu'attendre que ça passe. Ses soupirs exaspérés réussirent à dévisser de leur siège le jeune couple enlacé depuis le départ autour de leur guide de la cité éternelle. Quand elle parvint à s'insérer entre la taille du mâle et le dernier fauteuil, la partie la plus fusionnelle du duo, blonde francophone avec l'accent du midi, lui lança un regard haineux, comme si le gai fessier en trompette de Frédéric, approchant à moins de 3 cm de la braguette de son mec, pouvait entamer en quoi que ce fût ce sentiment exclusif inouï, jamais ressenti dans le siècle des siècles, sauf peut-être par quelques milliards d'êtres humains, qui les unissaient à jamais. Le regard de l'homme, un noir pas mal en fait, tombant par un heureux hasard dans l'entrebâillement du chemisier qu'elle avait oublié de reboutonner après avoir eu trop chaud, Frédéric s'empressa de se placer dans l'espace rembourré formé par l'arrière-train d'une religieuse et le buste important d'une dame sur lequel de coruscants joyaux illustraient le triomphe mondial de la nouvelle esthétique élyséenne. When you came to us, you were a tiny juggernaut with that maniacal laugh that would not be stopped. You taught a band of punks to be a family. You taught us what stability can mean. We tried to teach you to dance, but you had moved to your own, and you continued to theme as you've grown. I know you understand how crazy life is, and it's only one thing we give. Let it be this: we're behind you, we're your friends. Dans l'abri de ses chères sœurs, Frédéric récupéra son bagage d'une main et commença à tripoter son portable de l'autre. Quelques secondes plus tard, tandis qu'elle progressait à petits pas vers la porte avant, Roberto l'appela. Il lui dit « Ben arrivata, amore mio !» et combien il était amoureux de la revoir, ils convinrent de se retrouver à l'entrée du parc de stationnement le plus proche de la sortie B de l'aéroport Leonardo da Vinci, et elle pensa que cette fois était la bonne. Elle n'en pouvait plus de lui mentir en sachant qu'il savait qu'elle mentait. C'était décidé, elle allait le quitter. Of the minimum wage. Au moment où Frédéric inspirait la brise tiède qui sentait le pin parasol, comme elle marquait une brève pause avant de descendre la passerelle pour rejoindre le bus et franchir des portes et passer devant les tapis à bagages sans s'arrêter et franchir d'autres portes deux fois encore et s'approcher du parc de stationnement et de Roberto et lui dire enfin, à ce moment si plein pour elle, de ses mouvements d'avenir, Jean Coppa reposait sa tasse à café sans l'avoir vidée. Il était à 400 km environ des courants d'air venus de la mer agiter la chevelure blonde et longue de Frédéric. Il était à Ferrare, ville des hauts murs occultant des jardins où pousse la nostalgie. Il avait voulu boire un cacao chaud dans une fameuse boutique où on lui avait aussi fait goûter la spécialité, les chocolats à la bière, et maintenant il se sentait un peu nauséeux. Yeah. et ce soir grand. Et soudain. En ce même instant, Maria, jolie trentenaire aux longs cheveux châtains, joignait les mains en apercevant au bord de la route le corps d'un chat. Juste après le virage que prenait la bretelle reliant la Via Aurelia avec la route des thermes de Saturnia. La bête était étendue sur le flanc, pattes étirées sur le côté comme dans un sommeil profond. « Qu'est-ce que tu fais, tu pries ?» demanda Giovanna, quadragénaire au corps massif, au visage carré, aux beaux traits étonnamment juvéniles. « Pour l'âme de ce chat ?»« Non, ça me fait de la peine, c'est tout, » dit Maria, les larmes aux yeux. « Madonna, quelle sensiblerie à la con !» marmonna Giovanna, en passant une vitesse pour attaquer la montée menant à un plateau de labour monotone qui s'étendrait sur quelques dizaines de kilomètres avant que la chaussée escalade les belles collines toscanes aux échines douces comme des dos de chat. « On n'est pas obligé d'être une caricature de couple lesbien, » dit Marie en reniflant. « Toi, l'homasse dure et moi, la petite chose pleurnicharde. » Giovanna fronça le sourcil, puis sourit. T'as raison, ma petite chose, rétorqua-t-elle. Allez, passe donc le paquet de cigarettes à ton homasse préféré. Well, I've been saying that. Tandis que Maria observait que ça ne servait à rien d'avoir programmé 3 jours de régime et de marche et de bain chaud, si c'était pour qu'elle fume 2 fois plus, Jean Coppa contemplait l'activité d'une jeune représentante d'un cycle humanitaire étalé sur un drapeau bleu Vichy de l'autre côté de la rue piétonne, au-dessus d'une table pliante. La jeune femme, cheveux très bruns et peau très pâle, arrêtait les passants pour leur proposer de signer quelques pétitions en faveur d'une cause, et quand elle donnait de longues explications à un monsieur paternaliste en Lodène ou à un étudiant qui la reluquait, elle rougissait et ses narines, si fines que la lumière du matin paraissait les traverser, palpitaient. À plusieurs reprises, elle avait rajusté son bandeau, révélant ses aisselles qui n'étaient pas rasées. Il y avait là plusieurs détails qui ne laissaient pas Jean indifférent. Vous êtes toujours bien calé sur le 100 FM, Lost in Space dans Radioactive 100 FM en ce beau dimanche soir. On vient d'avoir à l'instant Suicidal Tendencies avec des extraits de Saturne, le polar de Serge Quadrupani. On continue en musique et aussi en texte avec un interview de Sergio Martino qui va être diffusé en plusieurs petites parties. Sergio Martino, réalisateur de films italiens que l'on pourrait rapidement et hâtivement classer série Z. C'est pas toujours le cas, vous allez voir, la prise de son n'est pas forcément très bonne. Cette interview avait déjà été diffusée dans Culture Prohibée, une très bonne émission de la grille. J'en ai repris quelques extraits pour vous faire partager ce soir. Mais avant, c'est Blitz, un des groupes de la seconde vague du punk, qui enchaîne avec Close Down. Share this day with you, the shining. shining down. Sunshine, we love the sunshine. Let's come in the sunshine. Sunshine. Psychosexual mind from Carlo Ponti, who brought you Dr. Zhivago. Now, torso, torso, torso, torso. It saturates the screen with terror. Torso, rated R. Brothers and sisters, you know, sometimes you just want to dance. But now and again, you ain't got no chance. You're stuck there, you're sitting in your chair. There's no escape, I'm saying right now you can't. You can't go nowhere, that's what I say. But I'm telling you, you gotta have no fear. Cause we got a little something, bring you a whole lot of cheer. It's called the Syncopus Alarm. Si, ma descendance, c'est mon grand-père qui était le père de ma femme. Il s'appelait Gennaro Righelli. Il a fait beaucoup de films muets. Il a aussi fait les premières films italiennes avec les sonneurs dans les 1930. Et évidemment, j'étais très jeune après la guerre. J'ai eu des expériences. Il m'a porté quelquefois sur les sets de ces films avec Anna Magnani et Vittorio De Sica. Mais après, il est mort en 1949. J'étais très, très, très, très jeune. Et quand je suis devenu grand, mon frère il avait déjà commencé à faire du cinéma. Je suis aussi mon DNA, c'était pour le cinéma. Comme ça, on a fait cette, ce travail, qui dans les périodes que j'ai fait beaucoup de films, aussi comme, avant comme organisateur, après comme directeur, après comme metteur en scène, j'ai eu l'occasion d'avoir des belles expériences dans les films de genre. Les films de genre, que c'est les périodes du cinéma italien plus productives. On faisait 300-350 films chaque année pour le cinéma et c'était une très bonne expérience. Et surtout, il était des films avec une coproduction entre la France et l'Espagne, les pays plus productifs de l'Europe dans cette période. Thank you. Mais je crois que j'aimais beaucoup faire tous les genres. Ça veut dire que je ne peux pas faire toujours le même film. Je crois que si je faisais toujours des films thriller, à la fin, je n'avais pas d'inspiration. Il faut se rénover, non? Et dans ces possibilités, j'ai eu l'occasion. J'ai toujours un esprit, je crois, ironique. Aussi, quand je fais les jalos, je fais les films d'action, et je cherchais toujours, quelquefois, d'avoir la possibilité de déplacer des situations ironiques. Et pour ça, à la fin, j'ai fait des films avec des acteurs comiques en Italie, qui m'ont donné la possibilité d'avoir aussi des succès, pas seulement en Italie, mais dans beaucoup de pays européens et en Sud-Amérique, avec des films et des comédies. Et, évidemment, c'était une période dans laquelle j'ai eu l'occasion de faire toute l'expérience, parce que j'avais avec moi une distribution et une production qui m'a soutenu dans la possibilité d'échanger des genres. Et avec l'occasion d'avoir eu aussi des succès entre les films thrillers, les films d'action, aussi les westerns et aussi la comédie. Vous êtes toujours sur le 100 FM, Lost in Space, Radioactive, 100 FM, après le premier live tout à l'heure qui était les Descendants, et comme on n'est pas des radins, vous allez en avoir un second. Ce sont les seigneurs du punk rock, les inventeurs littéralement du genre, les Ramones de New York City en live ici en 1978. Version remasterisée en 2003 pour atténuer un peu les brouilla de l'époque. Vous allez voir, c'est une succession de tubes. Enfin, vous allez voir, vous allez écouter.